Chapitre 31e. Habile stratégie de Lady Arabella. Frank Gresham fut absent un an et un jour. On ajoute toujours 24 heures aux absences de ce genre, ainsi qu'on a pu le voir dans l'histoire de Lord Bateman et de tant d'autres nobles héros. Nous ne détaillerons pas toutes les circonstances de son exil, ni les conditions du pacte qui fut conclu. La seule qu'il soit nécessaire de faire connaître, c'est qu'il ne devait avoir aucune correspondance avec Mary. Ce fut un point sur lequel le Squire trouva très difficile d'obtenir le consentement de son fils. Qu'on ne suppose pas que Mary ou son oncle eussent connaissance de ce qui se passait. Ces arrangements furent faits, signés et scellés au manoir, et rien ne transpira au dehors. Qu'on ne s'imagine pas non plus que Lady Arabella et le Squire fussent disposés à céder aux vœux de leur fils si son amour résistait à l'absence. On convint simplement que Frank ne serait soumis à aucun système de persécution, qu'on n'exigerait de lui aucune promesse et qu'on ne le tourmenterait pas au sujet de Mary s'il consentait à s'absenter pendant une année. Ce temps expiré, on remettrait l'affaire en délibération s'il y avait lieu. Frank consentit à cet arrangement et partit, comme nous l'avons vu. Nous retournerons un instant auprès de Miss Thorne avant de continuer notre récit, à dater d'un mois environ avant le retour du jeune Squire. En voyant Frank Gresham debout à côté de Mary et les bras passés autour de ses genoux, Sir Louis avait conçu quelques soupçons. Il avait résolu de se jeter ce jour-là même aux pieds de Mary et il craignait qu'un rival n'eût pris les devants. Cela ne contribua pas à le mettre de bonne humeur, de sorte qu'après avoir pris assez peu gracieusement congé de son visiteur, il monta à sa chambre et se mit à boire du curaçao au lieu de redescendre pour le dîner. Il continua cette vie pendant 2 ou 3 jours. Puis, se ravisant tout à coup, il récapitula tous les avantages qu'il avait sur le jeune Gresham. Outre qu'il était baronnet et qu'il pouvait faire de sa femme une lady, le père de Frank vivait et pouvait vivre longtemps encore, tandis que le sien, à lui, était mort. Puis Boxall Hill lui appartenait en propre, tandis que son rival n'avait ni terre ni maison. Après tout, pourquoi n'aura-t-il pas réussi aussi bien que lui auprès de Miss Thorne? Jamais cœur timide ne l'emporta auprès d'une belle. Pour réussir, il fallait essayer, et il essaya. Il est presque inutile de parler du résultat de ses tentatives auprès de Mary. Dès la première, il put se convaincre que ça ne prendrait pas, ainsi qu'il le dit à sa mère dans son style imagé. Il essaya de nouveau, mais inutilement. La première fois, Mary avait été très polie, quoique très ferme. La seconde, elle fut moins polie, quoique beaucoup plus ferme, et elle ajouta que s'il insistait davantage, il l'obligerait à quitter la maison de sa mère. Il y avait dans le regard de Mary et dans l'expression de sa bouche quelque chose qui dénotait une volonté si arrêtée que Sir Louis, découragé, ne revint plus à la charge. Il quitta immédiatement Boxall Hill et retourna à Londres, où il se livra plus que jamais à l'usage immodéré du curaçao. Le docteur fut bientôt obligé d'aller le trouver. Alors se renouvelèrent ces scènes terribles où l'infortuné jeune homme avait à expier, soit dans un délire affreux, soit dans une prostration morale plus affreuse encore, le vice honteux que son père lui avait inculqué de si bonne heure. Mary retourna chez son oncle. Frank était parti, elle pouvait donc reprendre sa place à Greshamsbury. Mais Greshamsbury n'était plus pour elle ce qu'il avait été autrefois. Toute relation avait presque entièrement cessé entre le docteur et la famille du manoir. Il ne voyait que rarement le Squire, et seulement pour affaire, non que M. Gresham eût rompu avec lui, mais parce que le docteur lui-même préférait qu'il en fût ainsi depuis que Frank avait ouvertement demandé la main de sa nièce. Il ne voulait pas qu'on pût l'accuser d'entretenir des relations intéressées avec le Squire. Mary se trouva donc complètement séparée de Béatrice. Elle ne put même pas lui expliquer ce qui s'était passé entre elle et son frère, ni chercher quelque soulagement à ses peines dans la sympathie de son amie. Lady Arabella poussa si loin la vigilance que les deux jeunes filles ne pouvaient même pas se voir sur un terrain neutre. Elle avait fait entendre à Miss Auriel que sa fille ne devait désormais plus se rencontrer avec Mary Thorne, même comme de simples étrangers se rencontrent. Elle le fit entendre, ou le dit sans précaution oratoire à d'autres encore. Mrs. Yates et sa bonne amie Miss Gushing, au charmant trignon desquels les demoiselles Gresham se rendaient tout au plus une fois par an, se firent son écho dans la paroisse. Elles auraient été si heureuses d'inviter cette chère Mary Thorne si les dames de Greshamsbury ne l'eussent pas désapprouvée. Mary se vit donc exclue de la société dont elle était l'âme une année auparavant. À cette époque, aucune réunion de jeunes personnes n'eût été complète si Mary n'en eût fait partie. Certes, Patience Auriel ne l'abandonna pas. Elle venait souvent la voir. Elle l'invitait à se promener avec elle et aller au presbytère. Mais Mary n'acceptait ces invitations qu'avec une extrême réserve, et elle finit par déclarer franchement à son amie qu'elle ne retournerait dans aucune maison où on ne la jugerait pas digne de se trouver avec les autres personnes qui y venaient habituellement. Le docteur et sa nièce avaient le cœur profondément ulcéré, mais il était un de ces hommes qui savent concentrer leur tristesse et n'en faire part à personne. Mary se promenait hardiment seule et feignait une profonde indifférence pour les regards du monde. Il faut convenir qu'elle était traitée bien cruellement. En général, on fait un mystère du mariage d'une jeune fille jusqu'au moment où l'époque en est fixée. Mais un mois s'était à peine écoulé depuis le jour où Mary avait négligé de repousser la main de Frank, qu'on se disait dans tout le Barsetshire Est qu'elle avait avoué son amour pour le jeune Squire. Or, s'il est toujours pénible pour une jeune fille, dans de pareilles circonstances, d'affronter seule les regards du public, n'est-ce pas plus pénible encore quand le jeune homme a autant d'importance que Frank en avait dans cette localité? Il n'y avait pas de fermier ni de fermière qui ne se demandassent quelle serait celle des deux épouses en question que Frank choisirait, à savoir Mary Thorne ou une dot. Un jour que Mary se promenait dans un chemin étroit, elle rencontra le père de la jeune servante à laquelle elle avait autrefois rendu un si grand service. « Dieu vous garde, Miss Mary, » lui dit-il. Il invoquait toujours la bénédiction de Dieu sur elle quand il la rencontrait. « Et Miss Mary, s'il m'est permis de dire ma façon de penser, vous le valez bien. »« Oui, certes, vous le valez. Quand même, il serait 10 fois Squire. » Il y avait peut-être quelque chose de consolant dans ces paroles prononcées avec tant de cordialité, mais il était en même temps affligeant pour Mary de voir que son amour servait de texte à la conversation de tout le voisinage. Elle n'avait jamais parlé à personne de ce qui se passait dans son cœur, pas même à son oncle, à qui elle n'avait communiqué de son entretien avec Frank que ce qui équivalait à une demande en mariage. « Et qu'avez-vous répondu, ma chérie ?» dit son oncle de sa voix la plus tendre et en l'attirant affectueusement à lui. « Je lui ai à peine répondu, mon oncle. Vous ne l'avez pas refusé, Mary ?» « Non, mon oncle. » Et elle s'arrêta. Il ne l'avait jamais vue trembler comme elle tremblait en ce moment. « Mais si vous pensez que je l'aurais dû, je le refuserais, » ajouta-t-elle en faisant évidemment un violent effort sur elle. « Je pense que vous le deviez, Mary, mais c'est à vous d'en décider. »« Vraiment ?» dit-elle d'une voix plaintive, et elle resta longtemps la tête appuyée contre l'épaule de son oncle. Mais ils ne revinrent plus sur ce sujet. Tous deux se soumettaient à la sentence qui avait été prononcée contre eux, et ils ne s'en aimaient que davantage. Le docteur était aussi faible que sa nièce, plus faible peut-être. Mary hésitait sur la conduite qu'elle avait à tenir, mais la perplexité de son oncle était plus pénible encore. Comme curateur des biens de Sir Louis, il avait en sa possession tous les titres de la propriété de Greshamsbury. La plus grande partie de cette propriété appartenait plus aux héritiers de Sir Roger qu'au Squire lui-même. Il était probable que Mary hériterait un jour de l'immense fortune de Sir Louis, qu'aucun effort humain ne réussirait à faire vivre jusqu'à l'âge de 25 ans. Le docteur agirait-il donc sagement, et dans les véritables intérêts du Squire, de Frank et de sa nièce, s'il prenait quelques mesures qui tendit à séparer deux personnes qui s'aimaient et dont le mariage, selon toute probabilité, serait si avantageux? Et cependant, il ne pouvait se décider à l'encourager. La pensée de spéculer sur la mort d'un homme lui était odieuse, d'autant plus que cet homme lui avait été confié par un père mourant. Placé comme il l'était, il ne pouvait que se taire et s'abstenir de donner des conseils à sa nièce. D'un autre côté, il avait ses ennuis particuliers qui étaient bien de nature à aggraver son chagrin. La voiture du docteur Philgrave, ou plutôt sa chaise de poste, se croisait constamment avec lui dans le village ou sur les routes avoisinantes. On aurait dit que le docteur Philgrave ne pouvait se rendre au manoir sans se montrer à son rival, soit en allant, soit en revenant. Cette circonstance seule n'eût probablement pas beaucoup affecté notre ami le docteur Thorne, mais ce qui l'affectait profondément, c'était de savoir que le docteur Philgrave soignait le Squire pour un léger accès de goutte, et que la chère petite Nina, atteinte de la rougeole, était soignée aussi par cet esculape mercenaire. Puis on vit aussi le vieux phaéton du vieux docteur Sanctuary se diriger vers le manoir, et l'on commença à se dire tout bas que Lady Arabella n'était pas très bien. Pas très bien. Quand on prononce ces mots tout bas et d'un air grave, en parlant de grandes dames comme Lady Arabella, cela implique toujours quelque chose de sérieux. En effet, Lady Arabella n'était pas seulement malade, elle était encore très effrayée. Il lui semblait que le docteur Philgrave n'était pas aussi confiant dans son art que le docteur Thorne. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque le docteur Thorne l'avait soigné depuis 10 ans? S'y être assis avec dignité dans sa chaise de poste et monter gravement et d'un air capable les marches du perron de Greshamsbury eussent pu produire quelques heureux résultats sur la santé de Lady Arabella, le docteur Philgrave n'eût rien laissé à désirer. Ses grands airs avaient imposé à la noble dame la première fois qu'il était venu la voir, et ce ne fut que peu à peu, et lorsqu'elle vit que les symptômes qu'elle connaissait si bien ne cédaient pas aux grands airs de son nouveau docteur, qu'elle commença à douter de sa science. Au bout de quelque temps, le docteur Philgrave proposa lui-même une consultation avec le docteur Sanctuary. « Non que j'aie la moindre crainte à votre égard, Lady Arabella, » dit-il en mentant grossièrement, car il craignait, et pour elle, et pour lui. Mais le docteur Sanctuary a une longue expérience, et dans un pareil cas, quand il s'agit d'une santé si importante, on ne peut être trop prudent. Le docteur Sanctuary fut donc appelé et entra à pas tremblotants dans la chambre à coucher de Lady Arabella. Il ne dit pas grand-chose et laissa à son savant confrère le soin de faire les frais de la conversation, partie du traitement dont celui-ci était parfaitement capable de s'acquitter. Mais si le docteur Sanctuary ne parla pas beaucoup, il prit un air très grave qui ne tranquillisa nullement Lady Arabella. En les voyant se consulter, elle commença à avoir de sérieuses appréhensions. Elle se dit qu'elle ne pouvait se rétablir sans les soins du docteur Thorne, et reconnut qu'elle avait agi témérairement en l'expulsant de Greshamsbury. « Eh bien, docteur, » dit-elle aussitôt que le docteur Sanctuary fut descendu pour se rendre auprès du Squire. « Oh, nous nous en tirerons bientôt, Lady Arabella, mais il faut être prudent, très prudent. Je suis bien aise d'avoir fait venir le docteur Sanctuary, quoiqu'il n'y ait rien ou fort peu de choses à changer aux prescriptions. » Le docteur Sanctuary n'échangea que quelques mots avec le Squire, mais le peu qu'il dit suffit pour effrayer M. Gresham. Lorsque le docteur Philgrave descendit à son tour, il trouva un domestique qui l'attendait au bas de l'escalier et qui le pria d'aller parler à M. Gresham. Il n'avait jamais existé une grande cordialité entre le Squire et le docteur Philgrave, quoique M. Gresham eût consenti à prendre une de ses pilules, de sorte que le petit homme suivit le domestique en se rengorgeant d'un air plus important que jamais. « Docteur Philgrave, » dit le Squire en abordant aussitôt la question, « je crains que Lady Arabella ne soit en danger. »« Mais non, pas positivement en danger, Monsieur Gresham. Son état est grave, sans doute, assez grave, ainsi qu'a pu vous le dire le docteur Sanctuary. » Et le docteur Philgrave fit un petit salut à son vieux confrère qui était assis tranquillement dans un fauteuil. « Docteur, » reprit le Squire, « je n'ai pas de raison pour douter de votre jugement. » Le docteur Philgrave fit une légère inclination de tête de l'air le plus roide du monde. Il pensait que M. Gresham n'avait en effet aucun motif pour douter de son jugement. « Et je n'en doute pas non plus, » continua le Squire. Le docteur Philgrave s'inclina de nouveau, mais avec un peu moins de roideur. Cependant, je crois qu'il devrait y avoir quelque chose à faire. Cette fois, le docteur se contenta de fermer un instant les yeux et de se pincer les lèvres, puis d'un air solennel, il se frotta les mains. « Je crois, docteur Philgrave, que vous ne vous entendez pas très bien avec mon ami Thorne. Non, monsieur Gresham, je dois en convenir. J'en suis fâché. » « Il est peut-être inutile de discuter sur ce point, monsieur Gresham, mais il y a des circonstances. »« Je ne veux rien discuter du tout, docteur Philgrave. »« Je dis seulement que je le regrette, parce que je crois que la prudence exigera que je rappelle le docteur Thorne. Or, si vous ne vous refusez pas à le rencontrer, monsieur Gresham, vous voudrez bien m'excuser. Selon moi, le docteur Thorne a... Mais, docteur Philgrave, vous m'excuserez, monsieur Gresham. À part cela, je suis au service de Lady Arabella, mais après ce qui s'est passé, je ne puis me trouver en consultation avec le docteur Thorne. Je ne le puis, en vérité. D'ailleurs, monsieur Gresham, Lady Arabella m'a donné à entendre que le docteur Thorne s'était conduit envers elle d'une manière si indigne que... Enfin, monsieur Gresham, vous savez ce que vous avez à faire, mais je croyais que Lady Arabella n'était nullement disposée à rappeler le docteur Thorne. Ayant dit ces mots, le docteur Philgrave se redressa sur ses hauts talons et prit son air le plus digne. Le squire n'insista pas davantage, car il n'était pas sûr que Lady Arabella consentît à recevoir le docteur Thorne s'il se présentait chez elle, et il vit bien qu'il serait inutile de chercher à vaincre la rancune d'un homme aussi récalcitrant que le petit Esculape qui était devant lui. D'autres propositions furent mises sur le tapis, et il fut enfin décidé qu'on ferait venir le célèbre Sir Omicron Pie de Londres. Sir Omicron Pie arriva et eut une consultation avec les docteurs Philgrave et Century. Lorsque Lady Arabella les vit assemblés dans sa chambre, le cœur de la pauvre femme se serra. Ah, que n'eût-elle pu concilier le rappel du docteur Thorne avec sa dignité et les principes des deux Courcy. Frank, Frank, à quel désespoir votre conduite avait réduit votre mère. Sir Omicron et ses deux moins illustres confrères procédèrent à la consultation, puis ces deux messieurs s'en retournèrent, l'un à Barchester, l'autre à Silverbridge, laissant Sir Omicron jouir de l'hospitalité de Greshamsbury. « Vous devrez y rappeler Thorne, monsieur Gresham, » dit Sir Omicron d'un ton confidentiel lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Le docteur Philgrave est un excellent homme, ainsi que Century, mais Thorne a soigné si longtemps Lady Arabella qu'il doit nécessairement mieux connaître son tempérament. » Sir Omicron partit le lendemain matin, et aussitôt après son départ, le squire se rendit auprès de sa femme. Lady Arabella avait cru faire preuve d'habile stratégie lorsqu'elle était parvenue à décider le squire à prendre la pilule du docteur Philgrave. Cette pilule devait servir admirablement ses projets. Jusqu'alors, tous ses efforts pour amener la désunion entre son mari et le docteur Thorne avaient été infructueux. Cette pilule devait atteindre ce but. Elle sut en tirer le meilleur parti possible en faisant publier dans tout le village que le squire avait confié son pied goûteux au docteur Philgrave et surtout en faisant savoir dans certaines humbles maisons situées au coin de la rue de Greshamsbury que les prescriptions du médecin de Barchester faisaient maintenant loi au manoir. Le docteur ne manqua pas de l'apprendre et il en fut vivement affecté. Il avait donné des preuves d'affection au squire et il trouvait que celui-ci aurait dû prendre plus fermement son parti. « Après tout, se dit-il, il vaut peut-être mieux qu'il en soit ainsi. Je ferais peut-être bien d'aller m'établir ailleurs. » Puis il pensa à Sir Roger et à son testament, à sa nièce et à Frank, à la naissance de Mary et à ses propres théories sur la pureté des races, méditation qui ne fit que l'embarrasser de plus en plus. Tel avait été le résultat de l'habile stratégie de Lady Arabella, et elle s'en fut réjouie, si ses craintes pour elle-même ne fussent venues troubler son triomphe et sa joie. Elle n'avait encore avoué à personne qu'elle regrettait l'ami qu'elle avait si imprudemment éloigné. Elle se l'avouait à peine à elle-même. « Ma chère amie, » dit le squire en s'asseyant près de son lit, « vous désirez sans doute savoir ce que Sir Omicron a dit avant de partir. » « Eh bien, » fit Lady Arabella en se soulevant avec inquiétude, « je ne sais comment vous accepterez la proposition, belle, mais pour moi, je ne puis que l'approuver. » Le squire n'appelait jamais sa femme belle que quand il avait des raisons toutes particulières pour être bien avec elle. « Eh bien, » répéta-t-elle, assez peu disposée en apparence à être gracieuse et à répondre sur le même ton à son mari. « Sir Omicron a dit que vous devriez rappeler Thorne, et je ne puis qu'être du même avis. Thorne est un homme habile, personne ne le nie, et vous savez que... Pourquoi Sir Omicron ne me l'a-t-il pas dit ?» interrompit sèchement Lady Arabella, dont les bonnes dispositions en faveur du docteur Thorne commençaient à faiblir singulièrement devant le plaidoyer de son mari. « Je suppose qu'il a pensé qu'il valait mieux me le dire. répondit le squire d'un ton assez bref. « Il aurait dû me le dire à moi, » reprit Lady Arabella, qui, bien qu'elle ne doutât pas complètement de la véracité de son mari, ne le soupçonnait pas moins d'avoir influencé Sir Omicron. « Le docteur Thorne s'est conduit envers moi d'une façon si grossière, si indigne. Puis j'ai tout lieu de croire qu'il encourage de part et pris cette fille. Quant à cela, Belle, vous avez tort. Naturellement, j'ai toujours tort. Tout à fait tort de confondre deux choses toutes différentes. Le docteur Thorne comme relation et le docteur Thorne comme médecin. Mais c'est affreux, leur boire ici, être avec lui, dans la même chambre. Comment peut-on parler en toute confiance à un médecin que l'on considère comme son plus cruel ennemi ? » Et se radoucissant, Lady Arabella fondit en larmes. « Ma chère amie, vous ne devez pas être étonnée de ma sollicitude pour vous. » Lady Arabella fit une petite moue qu'on pouvait accepter comme l'expression peu éloquente de sa reconnaissance pour la sollicitude de son mari, ou comme un reproche ironique de son manque de sincérité. « Aussi me suis-je hâté de venir vous dire ce que Sir Omicron a conseillé, » reprit M. Gresham. « Vous devriez rappeler Thorne, ce sont ses propres paroles. Réfléchissez-y, ma chère, et souvenez-vous, Belle, que si vous voulez profiter de ses conseils, il n'y a pas de temps à perdre. » Ce disant, le squire sortit de la chambre, et Lady Arabella resta seule, en proie à mille doutes pénibles.